Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et Marc Chaunet à l'animation pour votre rendez-vous hebdomadaire, 2 heures de bon rock progressif. Bruno nous a concocté, comme de l'habitude, un superbe choix musical, puis qui couvre ce soir, dans la première partie, en tout cas, une période de 80 à aujourd'hui. Alors, en une heure, on aura les groupes de plusieurs styles et de plusieurs époques. On a d'abord du groupe Gong. Gong qui c'est dans le fond qui voit une nouvelle formation là avec l'album paru en 2016 Rejoice I'm Dead avec toute une série de nouveaux musiciens qui redonnent vie à ce groupe étant donné que les membres fondateurs sont décédés maintenant. Alors on ira avec la pièce Rejoice. Sur cette pièce là il y a justement la contribution de Steve Illege qui est le célèbre guitariste de cette formation. On aura également Gustav Belling Saga tiré de leur second album album Data Art Hunt. Ça c'est vraiment du début des années 2000. Ensuite Philorhythmia qui est plutôt de la fin des années 90, un album assez rare italien. On aura également une nouveauté de 2016 en fait, c'était de 2016, Three Trap Tigers, Silent Earthling. Et on aura également le groupe Antidepressive Delivery. Alors on y va tout de suite en musique avec ces groupes, puis on vous parlera des spectacles un peu plus tard. D'ailleurs, il vient de s'annoncer Spock's Beard le 9 septembre à la salle Jean-Paul Tardy. Et bien évidemment, on vous parlera de Festival Terra Incognita qui s'en vient les 19, 20, 21 mai prochains. Et on y va tout de suite en musique avec Gong. Sky. caffè come fosse volo d'alco. Le groupe italien Filoritmia, tiré de leur album Passaggi, c'est leur second et plus récent album paru en 2009. C'était la pièce Godo. On avait eu juste avant le groupe suédois Gösta Berlings Saga, tiré de l'album Detta Är Hunt, paru en 2009. Et c'était la pièce Varstabron. Et on avait eu également Gong, tiré de leur plus récent album Rejoice, I'm Dead. La pièce Rejoice, c'est un choix musical de Bruno. On parlait de spectacle. Il y a la semaine prochaine, donc vendredi, Anglagarde, un groupe de la Suède. Ils interpréteront leur premier album ainsi que leur des pièces des deux seconds, du second et du troisième, des deux autres albums. Et ils sont à la salle Jean-Paul Tardy. Alors, c'est à ne pas manquer. Il y aura également le 14 mai Adrian Belew Trio à la même place. Et les 19, 20 et 21 mai, Terra Incognita. Alors, le 19 mai, Yes Songs The Concert, un hommage à Yes. On aura également le samedi Universe Effects. On aura Eden Song des États-Unis. Universe Effects sont de Québec. Et également Glasshammer des États-Unis, pour leur second spectacle au Canada. Et cette fois-là, ils devraient avoir un plus long spectacle et ils ont un excellent album. De toute façon, ça va être vraiment à ne pas manquer. Le dimanche, Il Paradiso degli Orchi de l'Italie, Comedy of Errors, ce sont des Écossais, et également Ost Sonaten de l'Italie avec Fabio Zuffanti. Et ça va être toute une fin de semaine. On a parlé de ce qui vient d'être annoncé. Il y a également au mois d'août, les 19 août, Anathema à la salle Multi, le 25 août, le Stickman à l'auditorium du Cégep Garneau. Bon, également, parlant de Cégep Garneau, le 30 avril, il y a Eddie Jobson et Marc Bonilla. Ça a changé de place, là. Il faut aller plutôt dans une salle au Palais Montcalm pour ce spectacle de Eddie Jobson et Marc Bonilla en hommage à John Wetton et Keith Emerson. Et également, on a annoncé le 9 septembre Spock's Beard à la salle Jean-Paul Tardy. Et on a le Prague Story le 13-14 octobre. En tout cas, c'est incroyable le nombre de spectacles qui sont annoncés. Le 7 juillet, King Crimson, évidemment, ne pas manquer au Centre Vidéotron. C'est dur, c'est presque incroyable de prononcer ces mots. La jonction entre Centre Vidéotron et King Crimson, c'est intéressant. Alors, c'est à ne pas manquer. Également, il y aura au Centre Vidéotron Roger Waters au mois d'octobre. Alors, on y va en musique avec un groupe du Royaume-Uni, Three Trap Tigers, tiré de Silent Earthling, leur second album, leur plus récent, la pièce éponyme, et également un groupe de la Norvège, Antidepressive Delivery, est tiré de leur album The Best of Antidepressive Delivery, qui n'est pas du tout un best-of, mais qui est le nom de leur album, paru en 2010 avec la pièce Alive. Et allons-y tout de suite en musique avec Three Trap Tigers. We'll be right back. vento nei capelli. Avevo in mente di fermare il tempo, una foto rivoluzionaria. C'erano uomini e donne fantastiche, c'era solo verità. Ed ero lì con la mia macchina splendida e immobile per la mia verità. Devo svelare la mia scioccante abilità. Sono dio della luce, alchimista dell'immagine. Vivete per sempre su questa carta lucida. Io sono l'autore della vostra eterna giovinezza. Thank you. dà la forza, il fuoco che trasmetterà, il segreto per catturare quello che sta attorno a me. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. Le 1er mai, la Coalition pour la justice sociale de Québec vous invite à participer à une marche afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs et travailleuses. Pourquoi le 1er mai? Cette journée sert à commémorer les gains obtenus par le mouvement ouvrier. Pourquoi un salaire minimum à 15 $ de l'heure? Parce que le salaire minimum actuel ne permet pas de couvrir ses besoins fondamentaux. Parce que 58 % des personnes travaillant au salaire minimum sont des femmes. Parce que le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses du Québec s'est détérioré depuis 1970. Le 1er mai, soyons solidaires. Rendez-vous à compter de 17h30 à la place de l'Université du Québec, boulevard Charest-Est à Québec. Départ de la marche à 18h30. Particules sonores, fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h. Une idée originale de Jean-Pierre Gay. Le 10e numéro de la revue Planche est maintenant disponible. Sous la couverture signée Obom, les animaux sont au centre de plusieurs récits. Caroline Soucy nous fait découvrir un asticot dépressif. Francis Desharnais tremble face à un écureuil carnivore. Et Sébastien Rivet se débarrasse d'un poisson. Découvrez aussi les chroniques Bouffe de Cyril Doisneau et Cinéma de Julie Delporte. La revue Planche, en librairie dès maintenant. Vous avez le goût de faire de la radio? C'est-à-dire qu'on fabrique des images avec des voix et des sons. Un sujet vous passionne depuis longtemps? Il y a tous les ingrédients, mais pas de recette. C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été 2017. La marche à suivre est simple. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca dans la section Proposer une émission et remplissez le formulaire en ligne. Le reste nous appartient. Vous avez jusqu'au 4 mai. La saison estivale débute le 29 mai et se termine le 3 septembre. Je confirme. Dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL 89.1 est fier de co-présenter, en collaboration avec CISM 89.3, l'opéra post-rock Sorrow de Colin Stetson le jeudi 18 mai. À la confluence de deux univers, Sorrow sera un concert épique. C'est un rendez-vous le jeudi 18 mai prochain à 22h. Informez-vous à fimav.qc.ca. Du 18 au 21 mai, c'est à Victo que ça se passe pour le 33e FIMAV. Et de retour à Terra Incognita avec Bruno et Marc. C'est le choix musical de Bruno et c'est très bon. On avait, pour terminer le premier bloc, le groupe Néo. C'est un groupe français. C'est un album paru en 1980 qui a été réédité. C'est quand même assez rare, c'est instrumental, c'est très bon. C'était la pièce Osibirsk. Voilà, c'est pas évident à prononcer, hein? Alors, je vous invite à venir faire un tour sur notre site internet pour voir la liste des pièces qu'on fait jouer, www.terraincognita.québec. Et dans la section radio, on a des podcasts également sur notre sur le site web de CKRL, www.ckrl.qc.ca. Et dans la section programmation. Si vous avez manqué un podcast, vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel qu'on a, puis on pourra faire des arrangements pour vous les envoyer. Si vous avez également des demandes spéciales, vous pouvez toujours nous contacter. Et ça nous fait toujours un plaisir de vous préparer des choix musicaux. On a eu juste avant le groupe Philorhythmia. Philorhythmia est tiré de l'album Passaggi. On a eu la pièce Il Sogno del Fotografo. On a eu également Three Trap Tigers, Leur album, nouvel album paru l'an dernier, Silent Earthling, c'était la pièce Silent Earthling. On a eu une autre pièce de Philorhythmia, la pièce Godot, comme j'en avais parlé tantôt. Alors on continue avec un groupe italien, la Bocca della Verità. Ça c'est une superbe nouveauté de 2016 qui est arrivée en décembre. Et c'est une pièce qu'on n'a pas encore écoutée d'ailleurs de cet album-là, la pièce reprise Speranze Distorte. On aura également The Rome Project, Fate and Glory, le second The Rome Project. Il va en avoir un troisième cette année qui devrait paraître. D'ailleurs, on aura également le groupe français Progression by Failure de leur premier album éponyme. On aura Cosmic Singularity. C'est un album unique pour ce groupe, un album rare. Et on aura également le groupe du Québec Maelstrom, tiré de l'album qui avait été enregistré dans les années 70 et qui est paru seulement en 2016. On y va tout de suite donc avec la Bocca della Verità. Thank you. solo tracce di orme, non più animi umani. Nelle storie c'è una fine, anche senza un fine, per giustificare una lotta persa. Pensiero spazia, isola perduta, ricostruire non solo la materia, ma un pensiero stolto da una mente umana, proviene da una storia. Cosa scienza? disappear. Yet their traces lingered on as we ruined our last utopia. Torn and tattered once again. Count écouter ces murmures d'ailleurs. Ils viennent de mon porte-bonheur. Par hasard, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Depuis ce temps, la fortune me suit. Le plus drôle, c'est que chaque être humain, en naissant, hérite du sien. Devine où est ce porte-bonheur. Illusion, réalité, sortie, sagesse, inner illumination. Illusion, réalité, sortie, sagesse, inner illumination. Illusion, réalité, sortie, sagesse, inner illumination. Illusion, réalité, sortie, sagesse, inner illumination. Il m'a dit, mon royaume est au sein de ta tête. Arrête là le tumulte de tes réflexions. Écoute. Imagine ton corps flottant dans le néant. la paix. Je sens notre immortalité et un summum de jouissance. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Le groupe québécois Maelstrom, tiré de leur album éponyme, s'est paru en 2016, enregistré il y a 40 ans. Et c'était la première parution. Et c'était la pièce Porte-Bonheur. Il faisait du bon rock, hein. C'était surprenant que ça soit jamais sorti avant. En tout cas, on est chanceux de pouvoir en profiter maintenant. On a eu juste avant Cosmic Singularity, tiré de First Step. Ça, c'est un album qui est assez rare. La pièce Pandora's Countdown. On avait eu juste avant de la France Progression by Failure. La pièce Desperate Anger. On avait eu The Rome Project et La Bocca de la Verita. On va terminer avec une courte pièce du groupe The Antidepressive Delivery, avec l'album The Best of Antidepressive Delivery, la pièce Glasses. Et ben restez avec nous, c'est KRL. Cette nuit, c'est l'autoroute avec Stéphane Villeneuve, juste après. Alors, c'était Bruno au choix musical, à la mise en onde, et Marc avec vous depuis 22 heures. Alors, on vous laisse sur The Antidepressive Delivery. Bonne soirée.